La cérémonie d'ouverture de l'exhibition nationale des réalisations informatiques 2016 a eu lieu le 4 à l'exposition des Trois Révolutions à Pyongyang. Y ont figuré Kim Ki-nam, des cadres intéressés, ainsi que des fonctionnaires et travailleurs des entreprises concernées. Le salon expose plus d'un millier de succès et produits informatiques de plus de 260 comités, ministères, établissements centraux d'enseignement et d'études scientifiques, usines et entreprises de l'industrie informatique.